Man sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 18 janvier 2017 de Méloman. D'ailleurs, je vais en profiter pour saluer mon vieil ami Stéphane Côté, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, comme ça, impunément. Et nous, ben, on est de retour à notre programmation normale, comme on dit, après notre hommage aux grands disparus de la semaine passée. Toujours la possibilité de se rattraper, soit dit en passant, si vous likez la page de Méloman Radio, ou encore mieux, si vous adhérez au groupe Facebook Méloman. Bref, ce soir, évidemment, aux antipodes de la semaine passée, quoique... La semaine passée, on a quand même eu droit à un bloc qui pouvait ressembler à ce qu'on va entendre ce soir parce que, pour la troisième fois, on consacre l'émission en entier à une décennie qu'on affectionne tous et toutes. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, Méloman spécial 80, volume 3, au 99.1 CFNJ. Yeah. myself believe it. This night will never go. CFNJ. Can be. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et oui, troisième émission qu'on consacre aux années 80 ce soir, aux grandes dames des uns peut-être, mais surtout au grand plaisir des autres, parce que ça se peut pas ce soir qu'au fil de l'émission vous ne mettiez pas à vous sentir nostalgique par moment. Il y a toutes sortes de choses déjà dans le premier bloc, toutes sortes de styles différents. Les années 80, c'est quand même assez vaste. C'est une décennie au complet. D'ailleurs, on vient d'entendre le projet d'un homme qui avait été ingénieur de son sur des petits albums comme Abbey Road et Dark Side of the Moon. Rien que ça, The Alan Parsons Project, avec leur plus gros hit, la magnifique Eye in the Sky de 1982. Magnifiques harmonies vocales, pour se retrouver juste avant avec le groove de Cool et sa gang, version 1984, quoique le single est sorti en 85, parce que, je dis version 85-84, parce que Cool and the Gang, c'est un excellent groupe qui roule depuis 1969 déjà à ce moment-là. Mais donc là, c'est en 84 qu'on les a entendus avec Fresh, que tout le monde connaît. Mais juste avant tout ça, on était complètement ailleurs dans les profondeurs de la scène New Wave montréalaise avec un groupe qui, en fait, va être issu d'un autre. Donc, dans un premier temps, la très belle Cité Phosphore de Rational Youth en 82. D'ailleurs, il y a un long blanc au début de 45 tours qui ne voulait pas partir. Un groupe qui va être Rational Youth, un groupe qui va être très prisé en Europe, un peu comme leurs idoles Kraftwerk, entre autres, mais très peu reconnu ici, comme c'est souvent le cas, malheureusement. Et Rational Youth, qui, en plus de sonner comme plein de groupes indie de nos jours, eh bien, c'est un groupe qui est issu d'un autre groupe montréalais plus vieux qui s'appelait Heaven 17, un des premiers groupes punk à incorporer du synthétiseur, ce qui est pas mal la définition du New Wave qui va inspirer à peu près toute la musique qu'on va entendre ce soir. Et des cendres de Heaven 17 va aussi naître Men Without Hats, qu'on a entendu juste avant, qui eux vont avoir un succès international avec bien sûr The Safety Dance, mais aussi un peu plus tard en 87 avec Pop Goes the World, qu'on a entendu ici juste après la reprise définitive de Self-Control de Laura Branigan en 84, même année que, pourquoi pas, Easy Lover de Philip Bailey, un des membres fondateurs d'Earth, Wind & Fire, qu'on a entendu la semaine passée, soit dit en passant, accompagné de nul autre que Phil Collins. Et nous, eh bien, on y retourne toujours en plein spécial 80 ce soir. Oh yeah! 99 ans, CFNJ. Oh. Something I do the fun. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Toujours en pleine troisième édition du spécial 80 Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ avec des hits, des classiques, des raretés et des petits bijoux comme la magnifique We Belong de la belle Pat Benatar qu'on vient d'entendre et qui vient de célébrer son 64e anniversaire le 10 janvier dernier. Mais que nous, on vient d'entendre en 1984, même année que Walk Away, tout premier single du groupe The Box, un autre groupe montréalais très important, qui a aussi plus ou moins, qui est aussi plutôt plus ou moins issu de Men Without Hats, dont on parlait tantôt, parce que Jean-Marc Pisapia, le fondateur du groupe The Box, a aussi fait partie brièvement de Men Without Hats. Donc, si je vous ai appris quelque chose ce soir, c'est que tout ce beau monde-là se connaissait et que surtout, la scène New Wave de Montréal a été très, très influente. On ne voit pas toujours ce qu'on a, malheureusement, on le sait. Et parlant de Montréal, ben c'est encore là qu'on était juste avant avec un classique en son genre qui est devenu une petite rareté que vous n'aviez pas entendu depuis longtemps, pas mal sûr de ça. Un certain Bill avec la fameuse « As-tu du feu? » »« Bird Peanut ». On était en 1981. juste un an avant le grand Peter Gabriel avec le classique Shock the Monkey. Après avoir entendu Phil Collins tantôt comme si on essayait de réunir le Genesis original, et tout ça amorcé par une chanson que vous connaissiez peut-être de la grande épopée de Ferris Bueller avec Matthew Broderick, ou plus tard du secret de mon succès avec Michael J. Fox, mais chose certaine, vous connaissiez le groupe suisse Yellow, peut-être sans savoir, avec son Oh Yeah, hit planétaire de 1985. Et nous, ben, on va y aller tout simplement du plus gros hit ever du groupe The Smiths, toujours au 99.1 CFNJ. The sun and the air, all the shyness that is criminally vulgar, and sun and air, but nothing in particular. You shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? That is criminally vulgar. I am the sun and air of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? I am human and I need to be loved, just like everybody else. We'll be right back. say it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love, saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing, just pictures of chap girls and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick with the gladiators glowing, glowing, glowing, glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Sud de la Nausière, pour les prochaines heures, on a de la brune verglaçante intermittente qui se change en neige intermittente, un minimum de moins 6. Jeudi, des nuages, maximum de 2 degrés. Et alternance de soleil et de nuages pour vendredi, maximum 0. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs, neige intermittente pour les prochaines heures avec risque de brune verglaçante, un minimum de moins 5. Jeudi, nuageux, quelques averses de neige, surtout tôt le matin, maximum de 2 degrés. Et alternance de soleil et de nuages, vendredi, maximum 1 degré. CFNJ tears and we cry until dawn. Ma ville est un jardin. secrets. Tout en blanc, nos sourires se foulent. Plein spécial 80 de Méloman ce soir au 99.1 et 88.9 CFNJ avec ma foi un souvenir assez lointain. Un autre petit clin d'œil à André Melançon, pardon, à qui on a rendu hommage la semaine passée, qui est décédé en 2016. Imaginez-vous qu'on vient d'entendre un thème qui nous provient directement de Bac et Bottine, le thème qui joue quand Charles fait visiter Québec à Fanny. Joué par Maë Paiement, bien sûr, pour être plus précis. Donc, une chanson souvenir qui s'appelle justement « Fais-moi voir », chantée par nuls autres plutôt que Fabienne Thibault et Michel Rivard en 86. Mais juste avant ça, un gros hit que tout le monde connaît avec un refrain qu'on peut pas s'empêcher de chanter, des Thompson Twins en 83 avec « Hold Me Now ». Les Thompson Twins, qui en passant n'étaient pas du tout des jumeaux, c'est plutôt le nom qu'on donne aux frères Dupont et Dupont. Dans les traductions anglophones, des aventures de Tintin, rien de moins. Et sinon, écoutez, on a été du côté du roi de 2016. Le roi est mort, vive le roi, le toujours précurseur caméléon du rock, Bowie, qui déjà en 1980 pile touche aux sonorités New Wave avant que tout le monde s'y intéresse, ou presque, avec la toujours épique Ashes to Ashes de l'album Scary Monsters and Super Creeps, sur lequel on pouvait retrouver un autre extraterrestre, soit Robert Fripp, fondateur du mythique King Crimson. Et Ashes to Ashes, en plus d'être la suite, en fait, non officielle de Space Oddity, qui semble aussi avoir été une influence, disons, assez considérable sur celle qu'on a entendue juste avant. Vous me connaissez, c'est pour ça que je vous les ai mis une après l'autre, en fait. On a entendu les Psychedelic Furs avec Love My Way, produite par Todd Rundgren en 82. Todd Rundgren qu'on connaît surtout pour ses hits des années 70 comme la magnifique I Saw the Light, artiste à découvrir si c'est pas déjà fait. Bref, et tout ça amorcé par How Soon Is Now, certainement le plus gros hit du groupe The Smiths, qui gagne vraiment à être connu au-delà de ça. Par contre, on les a souvent entendus à l'émission d'ailleurs dans le cadre des radios pirates, entre autres. Et là, je me dis qu'on serait peut-être dû pour un radio pirate. Mais bon, nous, on poursuit notre spécial 80, bord en bord, avec Normand, au 99 ans, CFNJ. Mon cœur brisé et torturé. dust et larmes de métal. CFNJ 99.1 et 88.9. Avec vous, partout dans la Naudière. Close your eyes. never changes remains a stupid lie. It's never been quite the same. No hearing or breathing, no movement, no color, just silence. The rise and fall of shame, search that shall remain. We asked you what you'd seen. We'll be right back. c'est vrai qu'il y a des gens qui s'aiment. Si les enfants sont tous les mêmes, alors il faudra leur dire les mots qu'on reçoit. C'est comme des parfums qu'on respire. Il faudra leur dire. Et on est dans les souvenirs vieux de 30 ans ce soir au 99.1 et 88.9 CFNJ pour un troisième volume du spécial 80 Mélomanes qui tire dans toutes les directions. Vous vous souviendrez peut-être que dans notre dernière édition du spécial 80, on avait plus été du côté du glam rock, voire du hair metal. Et bien là, ce soir, on est dans le gros pop avec des petits relents New Wave, mais on était juste carrément dans les succès souvenirs pour notre dernière 30 ans pile en arrière avec Francis Cabrel et sa chorale d'enfants pour Il faudra leur dire, qui avait été spécialement enregistré pour la fameuse compilation 77-87 qui est sortie évidemment en 87. Et juste avant ça, une de mes préférées toutes personnelles de la soirée, New Order, née des cendres de Joy Division, qui justement vont trouver leur propre son en 1983 sur un magnifique album du nom de Power, Corruption and Lies. Certainement leur meilleur à vous procurer si vous aimez le genre du synth-pop New Wave, album duquel on a entendu l'excellente Your Silent Face, mais vraiment l'album est bon complet et en plus c'est un style qui est tout à fait au goût du jour si on pense à des groupes de synthwave comme Carpenter Brut ou Kavinsky, des trucs qu'on a déjà entendus dans des radios pirates encore une fois. Et sinon, eh ben, gros hit des Romantics, toujours en 83 avec la très catchy Talking in Your Sleep qui suivait un vieux couple qu'on a réuni pour les besoins de la cause, Madame Blouin. Limite 80 en 89 avec le gros succès, j'aurais voulu te dire, précédé de Normand Brathwaite dans le groupe Soupir avec l'excellente Larme de métal, encore une fois, en 83. Une chanson qui nous venait originalement de l'émission Pop Citrouille et qui est finalement devenue le hit qu'on connaît. Et là, on va y aller pour un dernier petit bloc, mais non le moindre. On passe ça en 1985 avec des petits relents flamenco. 99 ans, CFNJ. I recall all the tears, all the broken words. so great. You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Gonna pick you up when you fall. Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your nothing's wrong? Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. I never Et c'est déjà là-dessus que se termine notre troisième édition du spécial 80 Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ. Mais ça sera pas sans vous préciser qui on a bien pu entendre dans notre tout dernier petit bloc. Écoutez juste trois chansons comme autant de classiques puissants et épiques. On vient d'entendre un troupeau de goélands, A Flock of Seagulls, avec son chanteur à la coupe de cheveux légendaire, avec leur plus gros hit, tout simplement I Ran So Far Away, sorti au mois de mars 82, et qui suivait le classique des classiques du groupe The Cars en 84 avec Drive, qui rend particulièrement nostalgique peut-être à cause des multicouches de synthétiseurs et tout ça qui avait commencé avec une un petit peu moins connue du groupe The Cure, à part pour les fans, évidemment. J'aurais pu vous mettre un gros hit, il y en a eu plusieurs, mais j'ai décidé de vous mettre l'excellente The Blood de 85 avec ses petites inclinaisons flamenco, comme on disait. Et c'est ce qui déjà nous amène à la fin de ce spécial 80. Il y en aura d'autres, évidemment. On aurait pu mettre plein d'autres trucs. On est loin d'avoir fait le tour. Et comme d'habitude, il a fallu faire des choix déchirants. Mais écoutez, on se dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Mélomanes, mercredi 20h. Et moi, eh bien, je vous laisse avec un gros classique pour bien clore le tout, en vous souhaitant une belle semaine au 99.1 CFNJ. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. again. CFNJ 99.1.